Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, le lundi, 8h-13h30. Bon, mon coup de cœur de cette semaine, c'est la maison des Houches de Gilbert Borde. Donc, Gilbert Borde, l'auteur, est né en 1948. Il a donc actuellement 70 ans. Il publie son premier roman en 1989. Et du coup, il publie La Maison des Houches, le roman Mon coup de cœur, en 2010. Donc je vous lis rapidement le résumé. Au cœur de la vallée de Chamonix, Lucien s'oppose pour la première fois à la nature qu'il aime tant. Il refuse de vieillir. Inquiet pour sa santé, ses enfants décident de le placer en maison de retraite. C'est mal le connaître. Rien ni personne ne privera Lucien de sa liberté. Et il lui reste une promesse à tenir, gravir une dernière fois la montagne. Un concours de circonstances entraîne Sophie, sa petite fille rebelle, à l'accompagner dans cet ultime défi. Face à l'adversité, Lucien et Sophie iront au bout d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment un super livre qui raconte la force d'un homme qui aime profondément la montagne, vu qu'en fait il est accompagnateur de haute montagne, ce qui n'est pas précisé dans le résumé. Et l'histoire d'un grand-père qui arrive à sauver, on va dire, sa petite fille par un concours de circonstances assez incroyable. Donc franchement, je vous conseille énormément. Donc je rappelle, il est écrit par Gilbert Borde. En 2010, il est publié aux éditions Pocket au prix de 6,95€ en format mini et au prix de 19,50€ en format normal, à ce que j'ai trouvé. Après, il est possible que le prix varie, mais voilà. Donc, je vous recommande très très chaudement La Maison des Houches, un magnifique livre si vous aimez un peu le sentimental, aventure. C'est pas du tout la science-fiction, il n'y a aucun moment de la science-fiction ni de fantasy. C'est purement aventure, de l'aventure, on va dire, voilà. Bon. Bah, c'était Aurélien. Bah, à la semaine prochaine!